Nous vous prions d'écouter une production du Club d'essai, Lecture du soir. Cette production bimensuelle est consacrée, nous vous le rappelons, à la lecture d'un roman réparti en 3 émissions d'une heure, 3 jours consécutifs. Nous vous présentons cette semaine un roman d'Anatole France, Les dieux ont soif, dont Michel Bouquet assure la lecture. Aujourd'hui, 2e partie. Résumé de la 1ère émission. Évariste Gamelin, le héros principal du roman d'Anatole France, est un jeune peintre préoccupé bien moins par la peinture que par les mouvements populaires de la Révolution française auxquels il se mêle en farouche républicain. Autour de ce représentant des nouveaux temps tourne un brave vieux ci-devant, M. Brotteau, et une dangereuse intrigante, la citoyenne Rochemort. Cette ardeur républicaine d'Évariste, qui embellit un aspect physique déjà plein d'attrait, n'est pas sans émouvoir le cœur de la fille d'un riche marchand d'estampes, Élodie Blaise. La veille de la fête, par un soir tranquille et clair, Élodie, au bras d'Évariste, se promenait sur le champ de la Fédération. Des ouvriers achevaient en hâte d'élever des colonnes, des statues, des temples, une montagne, un autel. Ils allèrent, la main dans la main, le long des berges de la Seine. Ils se disaient leur mutuelle tendresse dans le langage de Julie et de Saint-Preux. Le bon Jean-Jacques leur donnait les moyens de peindre et d'orner leur amour. La municipalité avait accompli ce prodige de faire régner pour un jour l'abondance dans la ville affamée. Une foire s'était installée sur la place des Invalides, au bord de la rivière. Des marchands vendaient, dans des baraques, des saucissons, des cervelas, des andouilles, des jambons couverts de laurier, des gâteaux de Nanterre, des pains d'épices, des crêpes, des pains de 4 livres, de la limonade et du vin. Il y avait aussi des boutiques où l'on vendait des chansons patriotiques, des cocardes, des rubans tricolores, des bourses, des chaînes de laiton et toutes sortes de menus joyaux. S'arrêtant à l'étalage d'un humble bijoutier, Évariste choisit une bague en argent où l'on voyait en relief la tête de Marat entortillée d'un foulard. Et il la passa au doigt d'Élodie. Gamelin se rendit ce soir-là rue de l'Arbre Sec, chez la citoyenne Rochemort qu'il avait mandée pour affaires pressantes. Il la trouva dans sa chambre à coucher, étendue sur une chaise longue, en déshabillé galant. Tandis que l'attitude de la citoyenne exprimait une voluptueuse langueur, autour d'elle tout disait ses grâces, ses jeux, ses talents. Une harpe, près du clavecin entrouvert, une guitare dans un fauteuil, un métier à broder où était montée une étoffe de satin, sur la table une miniature ébauchée, des papiers, des livres, une bibliothèque en désordre comme ravagée par une belle main aussi avide de connaître que de sentir. Elle lui donna sa main à baiser et lui dit « Salut, citoyen juré. Aujourd'hui même, Robespierre l'aîné m'a remis une lettre en votre faveur pour le président Herman. Une lettre très bien tournée qui disait à peu près « Je vous indique le citoyen Gamelin, recommandable par ses talents et par son patriotisme. Je me suis fait un devoir de vous annoncer un patriote qui a des principes et une conduite ferme dans la ligne révolutionnaire. Vous ne négligerez pas l'occasion d'être utile à un républicain. » J'ai porté sans débrider cette lettre au président Herman qui m'a reçu avec une politesse exquise et a aussitôt signé votre nomination. C'est chose faite. Gamelin, après un moment de silence, « Citoyenne, dit-il, bien que je n'ai pas un morceau de pain à donner à ma mère, je jure sur mon honneur que je n'accepte les fonctions de juré que pour servir la République et la venger de tous ses ennemis. » La citoyenne jugea le remerciement froid et le compliment sévère. Elle soupçonna Gamelin de manquer de grâce. Mais elle aimait trop la jeunesse pour ne pas lui pardonner quelque âpreté. Gamelin était beau. Elle lui trouvait du mérite. On le façonnera, songea-t-elle. Évariste Gamelin devait entrer en fonction le 14 septembre, lors de la réorganisation du tribunal divisé désormais en 4 sections avec 15 jurés pour chacune. Les prisons regorgeaient. L'accusateur public travaillait 18 heures par jour. Aux défaites des armées, aux révoltes des provinces, aux conspirations, aux complots, aux trahisons, la convention opposait la terreur. Les dieux avaient soif. Le matin du 7 septembre, La citoyenne Rochemore, se rendant chez le juré Gamelin, qu'elle voulait intéresser à quelques suspects de sa connaissance, rencontra sur le palier le ci-devant Brotteau des Ilettes, qu'elle avait aimé dans les jours heureux. Brotteau s'en allait porter 12 douzaines de pantins de sa façon chez le marchand de jouets de la rue de la Loi. Et il s'était résolu, pour les porter plus aisément, à les attacher au bout d'une perche, selon les guises des vendeurs ambulants. Il en usait galamment avec toutes les femmes, même avec celles dont une longue habitude avait émoussé pour lui l'attrait, comme ce devait être le cas de Madame de Rochemore, à moins qu'assaisonnée par la trahison, l'absence, l'infidélité et l'embonpoint, il ne la trouvât appétissante. En tout cas, il l'accueillit sur le palier sordide au carreau 10 juin, comme autrefois sur les degrés du perron des Ilettes, et la pria de lui faire l'honneur de visiter son grenier. Elle monta célestement l'échelle et se trouva sous une charpente dont les poutres penchantes portaient un toit de tuiles percées d'une lucarne. On ne pouvait y tenir debout. Elle s'assit sur la seule chaise qu'il y eut en ce réduit, et ayant promené un moment ses regards sur les tuiles disjointes, elle demanda, surprise et attristée, « C'est là que vous habitez, Maurice ?»« Vous n'avez guère à y craindre les importuns. Il faut être diable ou chat pour vous y trouver. » « J'y ai peu d'espace, » répondit le ci-devant, « et je ne vous cache pas que parfois il y pleut sur mon grabat, c'est un faible inconvénient. Et durant les nuits sereines, j'y vois la lune, image et témoin des amours des hommes. Car la lune, madame, fut de tout temps attestée par les amoureux, et dans son plein pâle et ronde, elle rappelle à l'amant l'objet de ses désirs. » « J'entends, » dit la citoyenne. « En leur saison, » poursuivit Brotteau, « les chats font un beau vacarme dans cette gouttière. » Mais il faut pardonner à l'amour de miauler et de jurer sur les toits quand il emplit de tourments et de crimes la vie des hommes. Tous deux, ils avaient eu la sagesse de s'aborder comme des amis qui s'étaient quittés la veille pour s'en aller dormir, et bien que devenus étrangers l'un à l'autre, ils s'entretenaient avec bonne grâce et familiarité. Cependant, Madame de Rochemore paraissait soucieuse. La Révolution, qui avait été longtemps pour elle riante et fructueuse, lui apportait maintenant des soucis et des inquiétudes. Ses soupers devenaient moins brillants et moins joyeux. Les sons de sa harpe n'éclaircissait plus les visages sombres. Ses tables de jeu étaient abandonnées des plus riches pontes. Plusieurs de ses familiers, maintenant suspects, se cachaient. Son ami, le financier Morhart, était arrêté. Et c'était pour lui qu'elle venait solliciter le juré Gamelin. Elle-même était suspecte. Des gardes nationaux avaient fait une perquisition chez elle, retourné les tiroirs de ses commodes, soulevé les lames de son parquet, donné des coups de baïonnette dans ses matelas. Il n'avait rien trouvé. Lui avait fait des excuses et bu son vin. Mais ils étaient passés fort près de sa correspondance avec un émigré, M. d'Expilly. Quelques amis, qu'elle avait parmi les Jacobins, l'avaient averti que le bel Henri, son greluchon, devenait compromettant par ses violences trop outrées pour paraître sincère. Les coudes sur les genoux et les poings dans les joues, songeuse, elle demanda à son vieil ami assis sur la paillasse, « Que pensez-vous de tout ceci, Maurice ?» « Je ne suis point devin, mamie, et la philosophie même la plus saine est d'un faible secours pour la connaissance de l'avenir. Ces choses finiront, car tout finit. On peut en prévoir diverses issues. La victoire de la coalition et l'entrée des alliés à Paris. Ils n'en sont pas loin. Toutefois, je doute qu'ils y arrivent. Ces soldats de la République se font battre avec une ardeur que rien ne peut éteindre. Il se peut que Robespierre épouse Madame Royale et se fasse nommer protecteur du royaume pendant la minorité de Louis XVII. Vous croyez, s'écria la citoyenne, impatiente de se mêler à cette belle intrigue. Il se peut encore, poursuivit Brotteau, que la Vendée l'emporte et que le gouvernement des prêtres se rétablisse sur des monceaux de ruines et des amas de cadavres. Vous ne pouvez concevoir, cher ami, l'empire que garde le clergé sur la multitude des ânes. Oh, je voulais dire des âmes. La langue m'a fourché. Le plus probable, à mon sens, c'est que le tribunal révolutionnaire amènera la destruction du régime qu'il a institué. Il menace trop de têtes. Ceux qui l'effraient sont innombrables. Ils se réuniront et pour le détruire, ils détruiront le régime. Je crois que vous avez fait nommer le jeune Gamelin à cette justice. Il est vertueux. Il sera terrible. Plus j'y songe, ma belle amie, plus je crois que ce tribunal établi pour sauver la République la perdra. La Convention a voulu avoir, comme la royauté, ses grands jours, sa chambre ardente, et pourvoir à sa sûreté par des magistrats nommés par elle et tenus dans sa dépendance. Mais que les grands jours de la Convention sont inférieurs aux grands jours de la monarchie et sa chambre ardente moins politique que celle de Louis XIV. Il règne dans le tribunal révolutionnaire un sentiment de basse justice et de plate égalité qui le rendra bientôt odieux et ridicule et dégoûtera tout le monde. Savez-vous, Louise, que ce tribunal qui va appeler à sa barre la reine de France et 21 législateurs condamnés hier une servante coupable d'avoir crié « Vive le roi !» avec une mauvaise intention et dans la pensée de détruire la République ? Nos juges, tous de noir emplumés, travaillent dans le genre de ce Guillaume Shakespeare, si cher aux Anglais, qui introduisent dans les scènes les plus tragiques de son théâtre de grossières bouffonneries. « Eh bien, Maurice, demanda la citoyenne, êtes-vous toujours heureux en amour ?»« Hélas, répondit Brotteau, les colombes volent au blanc colombier et ne se posent plus sur la tour en ruine. »« Vous n'avez pas changé. Au revoir, mon ami. » Ce soir-là, le dragon Henri, s'étant rendu sans y être prié chez Madame de Rochemort, la trouva qui cachetait une lettre sur laquelle il lut l'adresse du citoyen Rouline à Vernon. C'était, il le savait, une lettre pour l'Angleterre. Rouline recevait par un postillon des messageries le courrier de Madame de Rochemort et le faisait porter à Dieppe par une marchande de marée. Un patron de barque le remettait la nuit à un navire britannique qui croisait sur la côte. Un émigré, M. d'Expigny, le recevait à Londres et le communiquait, s'il le jugeait utile, au cabinet de Saint James. Henri était jeune et beau. Achille n'unissait pas tant de grâce à tant de vigueur quand il revêtit les armes que lui présentait Ulysse. Mais la citoyenne Rochemort, sensible naguère au charme du jeune héros de la commune, détournait de lui ses regards et sa pensée depuis qu'elle avait été avertie que, dénoncé aux Jacobins comme un exagéré, ce jeune soldat pouvait la compromettre et la perdre. Henri sentait qu'il ne serait peut-être pas au-dessus de ses forces de ne plus aimer Madame de Rochemort, mais il lui déplaisait qu'elle ne le distinguât plus. Il comptait sur elle pour satisfaire à certaines dépenses auxquelles le service de la République l'avait engagé. Enfin, songeant aux extrémités où peuvent se porter les femmes, et comment elles passent avec rapidité de la tendresse la plus ardente à la plus froide insensibilité, et combien il leur est facile de sacrifier ce qu'elles ont chéri et de perdre ce qu'elles ont adoré, il soupçonna que cette ravissante Louise pourrait un jour le faire jeter en prison pour se débarrasser de lui. Sa sagesse lui conseillait de reconquérir cette beauté perdue. C'est pourquoi il était venu armé de tous ses charmes. Il s'approchait d'elle, s'éloignait, se rapprochait, la frôlait, la fuyait selon les règles de la séduction dans les ballets. Puis il se jeta dans un fauteuil, et de sa voix invincible, de sa voix qui parlait aux entrailles des femmes, il lui vanta la nature et la solitude, et lui proposa en soupirant une promenade à Ermenonville. Cependant, elle tirait quelques accords de sa harpe et jetait autour d'elle des regards d'impatience et d'ennui. Soudain, Henri se dressa sombre et résolu et lui annonça qu'il partait pour l'armée et serait dans quelques jours devant Maubeuge. Sans montrer ni doute ni surprise, elle l'approuva d'un signe de tête. « Vous me félicitez de cette décision ?»« Je vous en félicite. » Elle attendait un nouvel ami qui lui plaisait infiniment et dont elle pensait tirer de grands avantages, tout autre chose que celui-ci. Un Mirabeau ressuscité, un Danton décroté et devenu fournisseur, un lion qui parlait de jeter tous les patriotes dans la Seine. À tout moment, elle croyait entendre la sonnette et tressaillait. Pour renvoyer Henri, elle se tut, bâilla, feuilleta une partition et bâilla encore. Voyant qu'il ne s'en allait pas, elle lui dit qu'elle avait à sortir et passa dans son cabinet de toilette. Il lui criait d'une voix émue « Adieu, Louise. Vous reverrai-je jamais ?» Et ses mains fouillaient dans le secrétaire ouvert. Dès qu'il fut dans la rue, il ouvrit la lettre, adressée au citoyen Rouline, et la lut avec intérêt. Elle contenait en effet un tableau curieux de l'état de l'esprit public en France. On y parlait de la reine, de la Thévenin, du tribunal révolutionnaire et maints propos confidentiels de ce bon Brotteau des Ilettes y étaient rapportés. Ayant achevé sa lecture et remis la lettre dans sa poche, il hésita quelques instants, puis, comme un homme qui a pris sa résolution et qui se dit que le plus tôt sera le mieux, il se dirigea vers les Tuileries et pénétra dans l'antichambre du comité de sûreté générale. Ce jour-là, à 3 heures de l'après-midi, Évariste Gamelin s'asseyait sur le banc des jurés en compagnie de 14 collègues qu'il connaissait pour la plupart, gens simples, honnêtes et patriotes, savants, artistes ou artisans, un peintre comme lui, un dessinateur, tous de plein de talent, un chirurgien, un cordonnier, un ci-devant marquis qui avait donné de grandes preuves de civisme, un imprimeur, de petits marchands, un échantillon enfin du peuple de Paris. Il se tenait là dans leur habit d'ouvrier ou bourgeois, tondu à la Titus, ou portant le catogan, le chapeau à cornes enfoncé sur les yeux, ou le chapeau rond posé en arrière de la tête, ou le bonnet rouge cachant les oreilles. Les uns étaient vêtus de la veste, de l'habit et de la culotte comme en l'ancien temps, les autres, de la carmagnole et du pantalon rayé à la façon des sans-culottes. Chaussés de bottes ou de souliers à boucles ou de sabots, ils présentaient sur leur personne toutes les diversités du vêtement masculin en usage alors. Ayant tous déjà siégé plusieurs fois, ils semblaient fort à l'aise à leur banc, et Gamelin enviait leur tranquillité. Son cœur battait, ses oreilles bourdonnaient, ses yeux se voilaient, et tout ce qui l'entourait prenait pour lui une teinte livide. Quand l'huissier annonça le tribunal, trois juges prirent place sur une estrade assez petite, devant une table verte. Ils portaient un chapeau à cocarde, surmonté de grandes plumes noires, et le manteau d'audience avec un ruban tricolore d'où pendait sur leur poitrine une lourde médaille d'argent. Devant eux, au pied de l'estrade, siégeait le substitut de l'accusateur public dans un costume semblable. Le greffier s'assit entre le tribunal et le fauteuil vide de l'accusé. Gamelin voyait ces hommes différents de ce qu'il les avait vus jusque-là. Plus beaux, plus graves, plus effrayants, bien qu'ils prissent des attitudes familières, feuilletant des papiers, appelant un huissier ou se penchant en arrière pour entendre quelques communications d'un juré ou d'un officier de service. Au-dessus des juges, les tables des droits de l'homme étaient suspendues, à leur droite et à leur gauche, contre les vieilles murailles féodales, les bustes de Lepelletier, Saint-Fargeau et de Marat. En face du banc des jurés, au fond de la salle, s'élevait la tribune publique. Des femmes en garnissaient le premier rang qui, blondes, brunes ou grises, portaient toute la haute coiffe dont le bavolet plissé leur ombrageait les joues. Sur leur poitrine, auquel la mode donnait uniformément l'ampleur d'un sein nourricier, se croisait le fichu blanc où se recourbait la bavette d'un tablier bleu. Elle tenait les bras croisés sur le rebord de la tribune. Derrière elle, on voyait, clairsemés sur les gradins, des citoyens vêtus avec cette diversité qui donnait alors aux foules un caractère étrange et pittoresque. À droite, vers l'entrée, derrière une barrière pleine, s'étendait un espace où le public se tenait debout. Cette fois, il y était peu nombreux. L'affaire dont cette section du tribunal allait s'occuper n'intéressait qu'un petit nombre de spectateurs et, sans doute, les autres sections qui siégeaient en même temps appelaient des causes plus émouvantes. C'est ce qui rassurait un peu Gamelin, dont le cœur, prêt à faiblir, n'aurait pu supporter l'atmosphère enflammée des grandes audiences. Ses yeux s'attachaient aux moindres détails. Il remarquait le coton dans l'oreille du greffier et une tache d'encre sur le dossier de substitut. Il voyait, comme avec une loupe, les chapiteaux sculptés dans un temps où toute connaissance des ordres antiques était perdue et qui surmontaient les colonnes gothiques de guirlandes d'ortie et de houx. Mais ses regards revenaient sans cesse à ce fauteuil d'une forme surannée, garnie de velours d'Utrecht rouge, usé au siège et noirci au bras. Des gardes nationaux en armes se tenaient à toutes les issues. Enfin, l'accusé parut, escorté de grenadiers, libre toutefois de ses membres comme le prescrivait la loi. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, maigre, sec, brun, très chauve, les joues creuses, les lèvres minces et violacées, vêtu à l'ancienne mode d'un habit sans bœuf. Sans doute parce qu'il avait la fièvre, ses yeux brillaient comme des pierreries et ses joues avaient l'air d'être vernies. Il s'assit. Ses jambes, qu'il croisait, étaient d'une maigreur excessive, et ses grandes mains noueuses en faisaient tout le tour. Il se nommait Marie-Adolphe Guilergue, et était prévenu de dilapidation dans les fourrages de la République. L'acte d'accusation mettait à sa charge des faits nombreux et graves, dont aucun n'était absolument certain. Interrogé, Guilergue nia la plupart de ces faits et expliqua les autres à son avantage. Son langage était précis et froid, singulièrement habile, et donnait l'idée d'un homme avec lequel il n'est pas désirable de traiter une affaire. Il avait réponse à tout. Quand le juge lui faisait une question embarrassante, son visage restait calme et sa parole assurée, mais ses deux mains, réunies sur sa poitrine, se crispaient d'angoisse. Gamelin s'en aperçut et dit à l'oreille de son autre voisin, peintre comme lui, « Regardez ses pouces. » Le premier témoin qu'on entendit apporta des faits accablants. C'est sur lui que reposait toute l'accusation. Ceux qui furent appelés ensuite se montrèrent au contraire favorables à l'accusé. Le substitut de l'accusateur public fut véhément, mais demeura dans le vague. Le défenseur parla avec un ton de vérité qui valut à l'accusé des sympathies qu'il n'avait pas su lui-même se concilier. L'audience fut suspendue, et les jurés se réunirent dans la chambre des délibérations. Là, après une discussion obscure et confuse, ils se partageaient en deux groupes à peu près égaux en nombre, on vit d'un côté les indifférents, les tièdes, les raisonneurs, qu'aucune passion n'animait, et d'un autre côté, ceux qui se laissaient conduire par le sentiment, se montraient peu accessibles à l'argumentation et jugeaient avec leur cœur. Ceux-là condamnaient toujours. C'étaient les bons, les purs. Ils ne songeaient qu'à sauver la République et ne s'embarrassaient point du reste. Leur attitude fit une forte impression sur Gamelin, qui se sentait en communion avec eux. Ce Guilergue, songeait-il, est un adroit fripon, un scélérat qui a spéculé sur le fourrage de notre cavalerie. L'absoudre s'est laissé échapper un traître, c'est trahir la patrie, vouer l'armée à la défaite. Et Gamelin voyait déjà les hussards de la République sur leurs montures qui bronchaient, sabrées par la cavalerie ennemie. Mais si Guilergue était innocent, Il pensa tout à coup à Jean Blaise, soupçonné aussi d'infidélité dans les fournitures. Tant d'autres devaient agir comme Guilherme et Blaise, préparer la défaite, perdre la République. Il fallait faire un exemple. Mais si Guilherme était innocent? Il n'y a pas de preuve, dit Gamelin à haute voix. Il n'y a jamais de preuve, répondit en haussant les épaules le chef du jury, un bon, un pur. Finalement, il se trouva 7 voix pour la condamnation et 8 pour l'acquittement. Le jury rentra dans la salle et l'audience fut reprise. Les jurés étaient tenus de motiver leur verdict. Chacun parla à son tour devant le fauteuil vide. Les uns étaient prolixes, les autres se contentaient d'un mot. Il y en avait qui prononçaient des paroles inintelligibles. Quand vint son tour, Gamelin se leva et dit, en présence d'un crime si grand que d'ôter aux défenseurs de la patrie les moyens de vaincre, on veut des preuves formelles que nous n'avons point. À la majorité des voix, l'accusé fut déclaré non coupable. Guilherme fut ramené devant les juges, accompagné du murmure bienveillant des spectateurs qui lui annonçaient son acquittement. C'était un autre homme. La sécheresse de ses traits s'était fondue, ses lèvres s'étaient amollies. Il avait l'air vénérable. Son visage exprimait l'innocence. Le président lut d'une voix émue le verdict qui renvoyait le prévenu. La salle éclata en applaudissements. Le gendarme qui avait amené Guilherme se précipita dans ses bras. Le président l'appela et lui donna l'accolade fraternelle. Les jurés l'embrassèrent. Gamelin pleurait à chaudes larmes. Dans la cour du palais, illuminée des derniers rayons du jour, une multitude hurlante s'agitait. Les 4 sections du tribunal avaient prononcé la veille 30 condamnations à mort, et sur les marches du grand escalier, les tricoteuses accroupies attendaient le départ des charrettes. Mais Gamelin, descendant les degrés dans le flot des jurés et des spectateurs, ne voyait rien, n'entendait rien que son acte de justice et d'humanité, et les félicitations qu'il se donnait d'avoir reconnu l'innocence. Dans la cour, Élodie, toute blanche, en larmes et souriante, se jeta dans ses bras et y resta pâmée. Et quand elle eut recouvré la voix, elle lui dit « Évariste ». Vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes généreux. Dans cette salle, le son de votre voix mâle et douce me traversait tout entière de ces ondes magnétiques. J'en étais électrisé. Je vous contemplais à votre banc. Je ne voyais que vous. Mais vous, mon ami, vous n'avez donc pas deviné ma présence? Rien ne vous a averti que j'étais là? Je me tenais dans la tribune au second rang, à droite. Mon Dieu, qu'il est doux de faire le bien. Vous avez sauvé ce malheureux. Sans vous, c'en était fait de lui. Il périssait. Vous l'avez rendu à la vie, à l'amour des siens. En ce moment, il doit vous bénir. Évariste, que je suis heureuse et fière de vous aimer. Se tenant par le bras, serrés l'un contre l'autre, ils allaient par les rues, se sentant si légers qu'ils croyaient voler. Ils allaient à l'amour peintre. Arrivés à l'oratoire, ne passons pas par le magasin, dit Élodie. Elle le fit entrer par la porte cochère et monter avec elle à l'appartement. Sur le palier, elle tira de son réticule une grande clé de fer. On dirait une clé de prison, fit-elle. Évariste, vous allez être mon prisonnier. Ils traversèrent la salle à manger et furent dans la chambre de la jeune fille. Évariste sentait sur ses lèvres la fraîcheur ardente des lèvres d'Élodie. Il la pressa dans ses bras, la tête renversée, les yeux mourants, les cheveux répandus, la taille ployée, à demi évanouie, elle lui échappa et courut pousser le verrou. La nuit était déjà avancée quand la citoyenne Blaise ouvrit à son amant la porte de l'appartement et lui dit tout bas dans l'ombre, « Adieu, mon amour. C'est l'heure où mon père va rentrer. Si tu entends du bruit dans l'escalier, monte vite à l'étage supérieur et ne descends que quand il n'y aura plus de danger qu'on te voit. Pour te faire ouvrir la porte de la rue, frappe 3 coups à la fenêtre de la concierge. Adieu, ma vie. Adieu, mon âme. » Quand il se trouva dans la rue, il vit la fenêtre de la chambre d'Élodie s'entrouvrir et une petite main cueillir un œillet rouge qui tomba à ses pieds comme une goutte de sang. Un soir que le vieux Brotteau portait 12 douzaines de pantins au citoyen Caillou, rue de la Loi, le marchand de jouets, doux et poli d'ordinaire, lui fit, au milieu de ses poupées et de ses polichinelles, un accueil mal gracieux. « Prenez garde, citoyen Brotteau, lui dit-il, prenez garde. Ce n'est pas toujours le temps de rire. Les plaisanteries ne sont pas toutes bonnes. Un membre du comité de sûreté de la section, qui a visité hier mon établissement, a vu vos pantins et les a trouvés contre-révolutionnaires. » « Il se moquait, dit Brotteau. Nenni, citoyen Nenni, c'est un homme qui ne plaisante pas. Il a dit qu'en ces petits bonshommes, la représentation nationale était perfidement contrefaite, qu'on y reconnaissait notamment des caricatures de Couthon, de Saint-Just et de Robespierre, et il les a saisies. C'est une perte sèche pour moi, sans parler des périls où je suis exposé. » Le vieux Brotteau reprit le chemin de son logis, portant ses suspects sur l'épaule au bout d'une perche. et moqué par les enfants qui croyaient que c'était le marchand de Morora. Une pluie fine vint à tomber. Brotteau, qui en craignait l'injure pour ses pantins, hâta le pas. Comme il passait le pont neuf, sombre et désert, et tournait le coin de la place de Thionville, il vit à la lueur d'une lanterne sur une borne un maigre vieillard qui semblait exténué de fatigue et de faim et gardait encore un air vénérable. Il était vêtu d'une lévite déchirée, n'avait point le chapeau et semblait âgé de plus de 60 ans. S'étant approché de ce malheureux, Brotteau reconnut le père Longuemare, qui l'avait sauvé de la lanterne 6 mois en ça, tandis qu'ils faisaient tous deux la queue devant la boulangerie de la rue de Jérusalem. Engagé envers ce religieux par un premier service, Brotteau s'approcha de lui, s'en fit reconnaître pour le publicain qui s'était trouvé à son côté au milieu de la canaille un jour de grande disette, et lui demanda s'il ne pourrait point lui être utile. « Vous paraissez là, mon père. Prenez une goutte de cordial. » Et Brotteau tira de la poche de sardingote puce un petit flacon d'eau-de-vie qui y était avec son Lucrèce. « Buvez, et je vous aiderai à regagner votre domicile. » Le père Longuemare repoussa de la main le flacon et s'efforça de se lever. Mais il retomba sur sa borne. « Monsieur, dit-il d'une voix faible, mais assurée, depuis 3 mois j'habitais Picpus, averti qu'on était venu m'arrêter chez moi hier à 5 heures de relevée. Je ne suis pas rentré à mon domicile, je n'ai point d'asile, j'erre dans les rues et suis un peu fatigué. Eh bien, mon père, fit Brotteau, accordez-moi l'honneur de partager mon grenier. Monsieur, dit le Barnabite, vous entendez bien que je suis suspect. Je le suis aussi, dit Brotteau, et mes pantins le sont aussi. Ce qui est le pis de tout. Vous les voyez exposés sous cette mince toile à la pluie fine qui nous morfond. Car sachez, mon père, qu'après avoir été publicain, je fabrique des pantins pour subsister. Le père Longuemare prit la main que lui tendait le ci-devant financier et accepta l'hospitalité offerte. Brotteau, en son grenier, lui servit du pain, du fromage et du vin qu'il avait mis à rafraîchir dans sa gouttière, car il était sybarite. Ayant apaisé sa faim, « Monsieur, dit le père Longuemare, je dois vous informer des circonstances qui ont amené ma fuite et m'ont jeté expirant sur cette borne où vous m'avez trouvé. Chassé de mon couvent, je vivais de la maigre rente que l'Assemblée m'avait faite. Je donnais des leçons de latin et de mathématiques et j'écrivais des brochures sur la persécution de l'Église de France. J'ai même composé un ouvrage d'une certaine étendue pour démontrer que le serment constitutionnel des prêtres est contraire à la discipline ecclésiastique. Les progrès de la Révolution m'ôtèrent tous mes élèves et je ne pouvais toucher ma pension faute d'avoir le certificat de civisme exigé par la loi. C'est ce certificat que j'allais demander à l'hôtel de ville avec la conviction de le mériter. Membre d'un ordre institué par l'apôtre Saint Paul lui-même, qui se prévalut du titre de citoyen romain, je me flattais de me conduire à son imitation en bon citoyen français, respectueux de toutes les lois humaines qui ne sont pas en opposition avec les lois divines. Je présentais ma requête à M. Collin, charcutier et officier municipal préposé à la délivrance de ces sortes de cartes. Il m'interrogea sur mon état, je lui dis que j'étais prêtre. Il me demanda si j'étais marié, et sur ma réponse que je ne l'étais pas, il me dit que c'était tant pis pour moi. Enfin, après diverses questions, il me demanda si j'avais prouvé mon civisme le 10 août, le 2 septembre et le 31 mai. On ne peut donner de certificat, ajouta-t-il, qu'à ceux qui ont prouvé leur civisme par leur conduite en ces 3 occasions. Je ne pus lui faire une réponse qui le satisfit. Toutefois, il prit mon nom et mon adresse et me promit de faire promptement une enquête sur mon cas. Il tint parole, et c'est en conclusion de son enquête que 2 commissaires du comité de sûreté générale de Picpus, assistés de la force armée, se présentèrent à mon logis en mon absence pour me conduire en prison. Je ne sais de quel crime on m'accuse, mais convenez qu'il faut plaindre M. Collin, dont l'esprit est assez troublé pour reprocher à un ecclésiastique de n'avoir pas montré son civisme le 10 août, le 2 septembre et le 31 mai. Un homme capable d'une telle pensée est bien digne de pitié. Moi non plus, je n'ai point de certificat, dit Brotteau. Nous sommes tous deux suspects, mais vous êtes là. Couchez-vous, mon père. Nous aviserons demain à votre sécurité. Le père Longuemare s'agenouilla sur le carreau, et après avoir récité ses prières, s'étendit sur sa paillasse et s'endormit paisiblement. Évariste Gamelin siégeait au tribunal pour la 2e fois. Avant l'ouverture de l'audience, il s'entretenait avec ses collègues du jury des nouvelles arrivées le matin. Il y en avait d'incertaines et de fausses, mais ce qu'on pouvait retenir était terrible. Les armées coalisées, maîtresses de toutes les routes, marchandes ensemble, la Vendée victorieuse, Lyon insurgée, Toulon livrée aux Anglais qui y débarquaient 14 000 hommes. C'était autant pour ces magistrats des faits domestiques que des événements intéressant le monde entier. Sûrs de périr si la patrie périssait, ils faisaient du salut public leur affaire propre. et l'intérêt de la nation confondu avec le leur dictait leurs sentiments, leurs passions, leur conduite. Gamelin reçut à son banc une lettre de Trubert, secrétaire du comité de défense. C'était l'avis de sa nomination de commissaire des poudres et des salpêtres. « Tu fouilleras toutes les caves de la section pour en extraire les substances nécessaires à la fabrication de la poudre. L'ennemi sera peut-être demain devant Paris. Il faut que le sol de la patrie nous fournisse la foudre que nous lancerons à ses agresseurs. Je t'envoie ci-contre une instruction de la Convention relative au traitement des salpêtres. Salut et fraternité. » À ce moment, l'accusé fut introduit. C'était un des derniers de ces généraux vaincus que la Convention livrait au tribunal, et le plus obscur. Il répondait d'une façon sournoise et brutale qui gâtait ses meilleures réponses. Ses chicanes, ses arguties, les accusations dont il chargeait ses subordonnés faisaient oublier qu'il accomplissait la tâche respectable de défendre son honneur et sa vie. Dans cette affaire, tout était incertain, contesté. Position des armées, nombre des effectifs, munitions, ordre donné, ordre reçu, mouvement des troupes. On ne savait rien. Personne ne comprenait rien à ces opérations confuses, absurdes, sans but, qui avaient abouti à un désastre. Personne, pas plus le défenseur et l'accusé lui-même que l'accusateur, les juges et les jurés. Et chose étrange, personne n'avouait à autrui ni à soi-même qu'il ne comprenait pas. Les juges se plaisaient à faire des plans, à disserter sur les tactiques et la stratégie. L'accusé trahissait ses dispositions naturelles pour la chicane. On disputait sans fin. Et Gamelin, durant ses débats, voyait sur les âpres routes du Nord les caissons embourbés et les canons renversés dans les ornières, et par tous les chemins défilaient en désordre les colonnes vaincues, tandis que la cavalerie ennemie débouchait de toutes parts par les défilés abandonnés. Et il entendait de cette armée trahie monter une immense clameur qui accusait le général. À la clôture des débats, l'ombre emplissait la salle, et la figure indistincte de Marat apparaissait comme un fantôme sur la tête du président. Le jury, appelé à se prononcer, était partagé. Gamelin, d'une voix sourde, qui s'étranglait dans sa gorge, mais d'un ton résolu, déclara l'accusé coupable de trahison envers la République, et un murmure approbateur qui s'éleva dans la foule vint caresser sa jeune vertu. L'arrêt fut lu au flambeau, dont la lueur livide tremblait sur les tempes creuses du condamné où l'on voyait perler la sueur. À la sortie, sur les degrés où grouillait la foule, des commères encocardées, tandis qu'il entendait murmurer son nom que les habitués du tribunal commençaient à connaître, Gamelin fut assailli par les tricoteuses qui, lui montrant le poing, réclamaient la tête de l'Autrichienne. Le lendemain, Évariste eut à se prononcer sur le sort d'une pauvre femme, la veuve Mérion, porteuse de pain. Elle allait par les rues poussant une petite voiture et portant, pendue à sa taille, une planchette de bois blanc à laquelle elle faisait avec son couteau des coches qui représentaient le compte des pains qu'elle avait livrés. Son gain était de 8 sous par jour. Le substitut de l'accusateur public se montra d'une étrange violence à l'égard de cette malheureuse qui avait, paraît-il, crié « Vive le roi !» à plusieurs reprises, tenu des propos contre-révolutionnaires dans les maisons où elle avait porté le pain de chaque jour et trempée dans une conspiration qui avait pour objet l'évasion de la femme Capet. Interrogée par le juge, elle reconnut les faits qui lui étaient imputés, soit simplicité, soit fanatisme. Elle professa les sentiments royalistes d'une grande exaltation et se perdit elle-même. Le tribunal révolutionnaire faisait triompher l'égalité en se montrant aussi sévère pour les portefeuilles et les servantes que pour les aristocrates et les financiers. Gamelin ne concevait point qu'il en pût être autrement sous un régime populaire. Il eût jugé méprisant, insolent pour le peuple, de l'exclure du supplice. C'eût été le considérer, pour ainsi dire, comme indigne du châtiment. Réservé aux seuls aristocrates, la guillotine lui eût paru une sorte de privilège inique. Gamelin commençait à se faire du châtiment une idée religieuse et mystique, à lui prêter une vertu, des mérites propres. Il pensait qu'on doit la peine aux criminels et que c'est leur faire tort que de les en frustrer. Il déclara la femme Mérion coupable et digne du châtiment suprême, regrettant seulement que les fanatiques qu'il avait perdus, plus coupables qu'elle, ne fussent pas là pour partager son sort. Évariste se rendait presque chaque soir aux Jacobins, qui se réunissaient dans l'ancienne chapelle des Dominicains, vulgairement nommée Jacobin, rue Honoré. Sur une cour où s'élevait un arbre de la liberté, un peuplier dont les feuilles agitées rendaient un perpétuel murmure, la chapelle, d'un style pauvre et maussade, lourdement coiffée de tuiles, présentait son pignon nu, percé d'un œil de bœuf et d'une porte cintrée que surmontait le drapeau aux couleurs nationales coiffé du bonnet de la liberté. Les Jacobins, ainsi que les cordeliers et les feuillants, avaient pris la demeure et le nom des moines dispersés. Gamelin, assidu naguère aux séances des cordeliers, ne retrouvait pas chez les Jacobins les sabots, les carmagnoles, les cris des dantonistes. Dans le club de Robespierre régnait la prudence administrative et la gravité bourgeoise. Depuis que l'ami du peuple n'était plus, Évariste suivait les leçons de Maximilien, dont la pensée dominait aux Jacobins et de là, par 1000 sociétés affiliées, s'étendait sur toute la France. Pendant la lecture du procès-verbal, il promenait ses regards sur les murs nus et tristes, qui, après avoir abrité les fils spirituels du grand inquisiteur de l'hérésie, voyaient assembler les zélés inquisiteurs des crimes contre la patrie. L'un se tenait sans pompe et s'exerçait par la parole le plus grand des pouvoirs de l'État. Il gouvernait la cité, l'Empire, dictait ses décrets à la Convention. Ces artisans du nouvel ordre de choses, si respectueux de la loi qu'ils demeuraient royalistes en 1791 et le voulaient être encore au retour de Varennes par un attachement opiniâtre à la Constitution, amis de l'ordre établi, même après les massacres du Champ de Mars, et jamais révolutionnaires contre la Révolution, étrangers au mouvement populaire, nourrissaient dans leur âme sombre et puissante un amour de la patrie qui avait enfanté 14 armées et dressé la guillotine. Évariste admirait en eux la vigilance, l'esprit soupçonneux, la pensée dogmatique, l'amour de la règle, l'art de dominer, une impériale sagesse. Le public, qui composait la salle, ne faisait entendre qu'un frémissement unanime et régulier, comme le feuillage de l'arbre de la liberté qui s'élevait sur le seuil. Dans les jours qui suivirent, Évariste eut à juger coup sur coup, ainsi devant convaincu d'avoir détruit des grains pour affamer le peuple. Trois émigrés qui étaient revenus fomenter la guerre civile en France, deux filles du palais Égalité, 14 conspirateurs bretons, femmes, vieillards, adolescents, maîtres et serviteurs. Le crime était avéré, la loi formelle. Parmi les coupables se trouvait une femme de 20 ans, parée des splendeurs de la jeunesse, sous les ombres de sa fin prochaine, charmante. Un nœud bleu retenait ses cheveux d'or, son fichu de linon découvrait un cou blanc et flexible. Évariste opina constamment pour la mort. Et tous les accusés, à l'exception d'un vieux jardinier, furent envoyés à l'échafaud. La semaine suivante, Évariste et sa section fauchèrent 45 hommes et 18 femmes. Les juges du tribunal révolutionnaire ne faisaient pas de distinction entre les hommes et les femmes, inspirés en cela par un principe aussi ancien que la justice même. Et si le président Montané, touché par le courage et la beauté de Charlotte Corday, avait tenté de la sauver en altérant la procédure et y avait perdu son siège, les femmes, le plus souvent, étaient interrogées sans faveur, d'après la règle commune à tous les tribunaux. Les jurés les craignaient, se défiaient de leur ruse, de leur habitude de feindre, de leurs moyens de séduction. L'esprit d'Évariste, naturellement inquiet et scrupuleux, s'emplissait aux leçons des Jacobins et au spectacle de la vie de soupçons et d'alarmes. À la nuit, en suivant pour se rendre chez Élodie les rues mal éclairées, il croyait par chaque soupirail apercevoir dans la cave la planche aux faux assignats. Au fond de la boutique vide du boulanger ou de l'épicier, il devinait des magasins regorgeant de vivres accaparés. À travers les vitres étincelantes des traiteurs, il lui semblait entendre les propos des agioteurs qui préparaient la ruine du pays en vidant des bouteilles de vin de Beaune ou de Chablis. Dans les ruelles infectes, il apercevait les filles de joie prêtes à fouler aux pieds la cocarde nationale aux applaudissements de la jeunesse élégante. Il voyait partout des conspirateurs et des traîtres, et il songeait « République ! Contre tant d'ennemis secrets ou déclarés, tu n'as qu'un secours. Sainte guillotine, sauve la patrie. » Élodie l'attendait dans sa petite chambre bleue, au-dessus de la mourpeintre. Pour l'avertir qu'il pouvait entrer, elle mettait sur le rebord de la fenêtre son petit arrosoir vert près du pot de yaourt. Maintenant, il lui faisait horreur. Il lui apparaissait comme un monstre. Elle avait peur de lui, et elle l'adorait. Toute la nuit, pressés éperdument l'un contre l'autre, l'amant sanguinaire et la voluptueuse fille se donnaient en silence des baisers furieux. Le père Longuemare continua d'habiter 8 jours chez le publicain sans y être inquiété. Il suivait autant qu'il pouvait la règle de sa communauté, se levait de sa paillasse pour réciter, agenouillé sur le carreau, les offices de nuit. Bien qu'ils n'eussent tous deux à manger que de misérables rogatons, il observait le jeûne et l'abstinence. Témoin affligé et souriant de ses austérités, le philosophe lui demanda un jour « Croyez-vous vraiment que Dieu éprouve quelque plaisir à vous voir endurer ainsi le froid et la faim ?»« Dieu lui-même, répondit le moine, nous a donné l'exemple de la souffrance. » Le 9e jour, depuis que le Barnabite logeait dans le grenier du philosophe, celui-ci sortit entre chien et loup pour porter ses pantins à Joly, marchand de jouets rue Neuve des Petits Champs. Il revenait heureux de les avoir tous vendus lorsque, sur la ci-devant place du carrousel, une fille en pelisse, de satin bleu, bordée d'hermine, qui courait en boitant, se jeta dans ses bras et le tint embrassé à la façon des suppliants de tous les temps. Elle tremblait, on entendait les battements précipités de son cœur. Admirant comme elle se montrait pathétique dans sa vulgarité, Brotteau, vieil amateur de théâtre, songea que Mademoiselle Raucourt ne l'eût pas vue sans profit. Elle parlait d'une voix haletante, dont elle baissait le ton de peur d'être entendue des passants. « Emmenez-moi, citoyen, Cachez-moi par pitié, ils sont dans ma chambre, rue Fromenteau. Pendant qu'ils montaient, je me suis réfugié chez Flora, ma voisine, et j'ai sauté par la fenêtre dans la rue, de sorte que je me suis foulé le pied. Ils viennent, ils veulent me mettre en prison et me faire mourir. La semaine dernière, ils ont fait mourir Virginie. Brotteau comprenait bien qu'elle parlait des délégués du comité révolutionnaire de la section ou des commissaires du comité de sûreté générale. La commune avait alors un procureur vertueux, le citoyen Chaumette, qui poursuivait les filles de joie comme les plus funestes ennemies de la République. Il voulait régénérer les mœurs. À vrai dire, les demoiselles du palais Égalité étaient peu patriotes. Elles regrettaient l'ancien état et ne s'en cachaient pas toujours. Plusieurs avaient été déjà guillotinées comme conspiratrices, et leur sort tragique avait excité beaucoup d'émulation chez leurs pareils. Le citoyen Brotteau demanda à la suppliante par quelle faute elle s'était attirée un mandat d'arrêt. Elle jura qu'elle n'en savait rien, qu'elle n'avait rien fait qu'on pût lui reprocher. Eh bien, ma fille, lui dit Brotteau, tu n'es point suspecte, tu n'as rien à craindre, va te coucher, laisse-moi tranquille. Alors elle avoua tout. J'ai arraché ma cocarde et j'ai crié vive le roi. Il s'engagea sur les quais des airs avec elle. Serrée à son bras, elle disait « Ce n'est pas que je l'aime, le roi. Vous pensez bien que je ne l'ai jamais connu. Et peut-être n'était-il pas un homme très différent des autres. Mais ceux-ci sont méchants. Ils se montrent cruels envers les pauvres filles. Ils me tourmentent, me vexent et m'injurient de toutes les manières. Ils veulent m'empêcher de faire mon métier. Je n'en ai pas d'autre. Vous pensez bien que si j'en avais un autre, je ne ferais pas celui-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils s'acharnaient contre les petits, les faibles, le laitier, le charbonnier, le porteur d'eau, la blanchisseuse. Ils ne seront contents que lorsqu'ils auront mis contre eux tout le pauvre monde. » Il la regarda. Elle avait l'air d'un enfant. Elle ne ressentait plus de peur. Elle souriait presque, légère et boitillante. Il lui demanda son nom. Elle répondit qu'elle se nommait Athénaïs et avait 16 ans. Brotteau lui offrit de la conduire où elle voudrait. Elle ne connaissait personne à Paris, mais elle avait une tante, servante à Palaiseau, qui la garderait chez elle. Brotteau prit sa résolution. « Viens, mon enfant, lui dit-il. » Et il l'emmena appuyé à son bras. Rentré dans son grenier, il trouva le père Longuemare qui lisait son bréviaire. Il lui montra Athénaïs, qu'il tenait par la main. « Mon père, voilà une fille de la rue Fromenteau qui a crié « Vive le roi !» La police révolutionnaire est à ses trousses. Elle n'a point de gîte. Permettez-vous qu'elle passe la nuit ici ?» Le père Longuemare ferma son bréviaire. « Si je vous comprends bien, dit-il, vous me demandez, monsieur, si cette jeune fille, qui est comme moi sous le coup d'un mandat d'arrêt, peut, pour son salut temporel, passer la nuit dans la même chambre que moi ?»« Oui, mon père. » De quel droit m'y opposerais-je? Et pour me croire offensé de sa présence, suis-je sûr de valoir mieux qu'elle? » Il se mit pour la nuit dans un vieux fauteuil ruiné, assurant qu'il y dormirait bien. Athénaïs se coucha sur le matelas. Brotteau s'étendit sur la paillasse et souffla de la chandelle. Les heures et les demies sonnaient au clocher des églises. Il ne dormait point et entendait les souffles mêlés du religieux et de la fille. La lune, image et témoin de ses anciennes amours, se leva et envoya dans la mansarde un rayon d'argent qui éclaira la chevelure blonde, les cils d'or, le nez fin, la bouche ronde et rouge d'Athénaïs, dormant les poings fermés. Voilà, songea-t-il, le terrible ennemi de la République. Quand Athénaïs se réveilla, il faisait jour. Le religieux était parti. Brotteau, sous la lucarne, lisant Lucrèce, s'instruisait aux leçons de la muse latine à vivre sans crainte et sans désir. Et toutefois, il était dévoré de regrets et d'inquiétudes. En ouvrant les yeux, Athénaïs vit avec stupeur sur sa tête les solives d'un grenier. Puis elle se rappela, sourit à son sauveur, et tendit vers lui pour le caresser ses jolies petites mains sales. Soulevée sur sa couche, elle montra du doigt le fauteuil délabré où le religieux avait passé la nuit. « Il est parti. » Il n'est pas allé me dénoncer, dites. Non, mon enfant. On ne saurait trouver plus honnête homme que ce vieux fou. Athénaïs demanda quelle était la folie de ce bonhomme, et quand Brotteau lui eut dit que c'était la religion, elle lui reprocha gravement de parler ainsi. Il déclara que les hommes sans religion étaient piques des bêtes, et que pour elle, elle priait Dieu souvent, espérant qu'il lui pardonnerait ses péchés et la recevrait en sa sainte miséricorde. Puis remarquant que Brotteau tenait un livre à la main, elle crut que c'était un livre de messe et dit « Vous voyez bien que vous aussi vous dites vos prières. Dieu vous récompensera de ce que vous avez fait pour moi. » Brotteau lui ayant dit que ce livre n'était pas un livre de messe, et qu'il avait été écrit avant que l'idée de messer se fût introduite dans le monde, elle pensa que c'était une clé des songes et demanda s'il ne s'y trouvait pas l'explication d'un rêve extraordinaire qu'elle avait fait. Elle ne savait pas lire et ne connaissait par oui dire que ces deux sortes d'ouvrages. Brotteau lui répondit que ce livre n'expliquait que le songe de la vie. La belle enfant, trouvant cette réponse difficile, renonça à la comprendre et se trempa le bout du nez dans la terrine qui remplaçait pour Brotteau les cuvettes d'argent dont il usait autrefois. Puis elle arrangea ses cheveux devant le miroir à barbe de son hôte avec un soin minutieux et grave. Ses bras blancs recourbés sur sa tête, elle prononçait quelques paroles à longs intervalles. « Vous, vous avez été riche. »« Qu'est-ce qui te le fait croire ?»« Je ne sais pas, mais vous avez été riche. Et vous êtes un aristocrate, j'en suis sûr. » Elle tira de sa poche une petite sainte vierge en argent dans une chapelle ronde d'ivoire, un morceau de sucre, du fil, des ciseaux, un briquet, deux ou trois étuis. Et après avoir fait le choix de ce qui lui était nécessaire, elle se mit à raccommoder sa jupe qui avait été déchirée en plusieurs endroits. « Pour votre sûreté, mon enfant, mettez ceci à votre coiffe, » lui dit Brotteau en lui donnant une cocarde tricolore. « Je le ferai volontiers, monsieur, » lui répondit-elle, « mais ce sera pour l'amour de vous, et non pour l'amour de la nation. » Quand elle se fut habillée et parée de son mieux, tenant sa jupe à deux mains, elle fit la révérence, comme elle l'avait appris au village, et dit à Brotteau, « Monsieur, je suis votre très humble servante. » Elle était prête à obliger son bienfaiteur de toutes les manières, mais elle trouvait convenable qu'il ne demandât rien et qu'elle n'offrait rien. Il lui semblait que c'était gentil de se quitter de la sorte, et selon les bienséances. Brotteau lui mit dans la main quelques assignats pour qu'elle prît le coche de Palaiseau. C'était la moitié de sa fortune, et bien qu'il fût connu pour ses prodigalités envers les femmes, il n'avait encore fait, avec aucune, un si égal partage de ses biens. Elle lui demanda son nom. « Je me nomme Maurice. » Il lui ouvrit à regret la porte de la mansarde. Adieu, Athénaïs. Elle l'embrassa. Monsieur Maurice, quand vous penserez à moi, appelez-moi Marthe. C'est le nom de mon baptême, le nom dont on m'appelait au village. Adieu et merci. Bien votre servante, monsieur Maurice. Le 24 frimaire, à 10h du matin, sous un ciel vif et rose, qui fondait les glaces de la nuit, les citoyens Guénaud et Delourmel, délégués du comité de sûreté générale, se rendirent au Barnabite et se firent conduire au comité de surveillance de la section dans la salle capitulaire où se trouvait pour lors le citoyen Beauvisage qui fourrait des bûches dans la cheminée. Mais ils ne le virent point d'abord, à cause de sa stature brève et ramassée. De la voix fêlée des bossus, le citoyen Beauvisage pria les délégués de s'asseoir et se mit tout à leur service. Guénaud lui demanda s'il connaissait ainsi devant des Ilettes, demeurant près du pont Neuf. « C'est, ajouta-t-il, un individu que je suis chargé d'arrêter. » Et il exhiba l'ordre du comité de sûreté générale. Beauvisage, ayant quelque temps cherché dans sa mémoire, répondit qu'il ne connaissait point l'individu nommé des Ilettes, que le suspect ainsi désigné pouvait ne point habiter la section, certaines parties du muséum de l'unité de Marat et Marseille, se trouvant aussi à proximité du pont Neuf, que, s'il habitait la section, ce devait être sous un autre nom que celui que portait l'ordre du comité, que néanmoins, on ne tarderait pas à le découvrir. « Ne perdons point de temps, » dit Guénaud. Il fut signalé à notre vigilance par une lettre d'un de ses complices, qui a été intercepté et remis au comité il y a déjà 15 jours, et dont le citoyen Lacroix a pris connaissance hier soir seulement. Nous sommes débordés, les dénonciations nous arrivent de toutes parts, en telle abondance qu'on ne sait à qui entendre. « Les dénonciations, répliqua fermement Beauvisage, affluent aussi au comité de vigilance de la section. Les uns apportent leurs révélations par civisme, les autres par l'appât d'un billet de 100 sols. Beaucoup d'enfants dénoncent leurs parents, dont ils convoitent l'héritage. « Cette lettre, reprit Guénaud, émane d'une ci-devant Rochemort, femme galante, chez qui l'on jouait le biribi, et porte en suscription le nom d'un citoyen Rolline. Mais elle est réellement adressée à un émigré au service de Pitt. Je l'ai prise sur moi pour vous en communiquer ce qui concerne l'individu des Ilettes. » Il tira la lettre de sa poche. « Elle débute par de longues indications sur les membres de la convention qu'on pourrait, au dire de cette femme, gagner par l'offre d'une somme d'argent ou la promesse d'une haute fonction dans un gouvernement nouveau, plus stable que celui-ci. Ensuite, se lit ce passage. « Je sors de chez M. des Ilettes, qui habite près du pont Neuf, un grenier où il faut être chat ou diable pour le trouver. Il est réduit pour vivre à fabriquer des polichinelles. Il a du jugement, c'est pourquoi je vous transmets, monsieur, l'essentiel de sa conversation. » Il ne croit pas que l'état de choses actuel durera longtemps. Il n'en prévoit pas la fin dans la victoire de la coalition. Et l'événement semble lui donner raison, car vous savez, monsieur, que depuis quelque temps, les nouvelles de la guerre sont mauvaises. Il croirait plutôt à la révolte des petites gens et des femmes du peuple, encore profondément attachées à leur religion. Il estime que l'effroi général que cause le tribunal révolutionnaire réunira bientôt la France entière contre les Jacobins. Ce tribunal, a-t-il dit plaisamment, qui juge la reine de France et une porteuse de pain, ressemble à ce Guillaume Shakespeare, si admiré des Anglais, etc. Il ne croit pas impossible que Robespierre épouse Madame Royale et se fasse nommer protecteur du royaume. Je vous serai reconnaissant, monsieur, de me faire tenir les sommes qui me sont dues, c'est-à-dire 1000 livres sterling, par la voie que vous avez coutume d'employer, mais gardez-vous bien d'écrire à monsieur Morart. Il vient d'être arrêté, mis en prison, etc. Brotteau, dans son grenier, découpait des pantins tandis que le père Longuemare, en face de lui, assemblait par des fils leurs membres épars et il souriait en voyant ainsi naître sous ses doigts le rythme et l'harmonie. Au bruit des crosses sur le palier, le religieux tressaillit de tous ses membres. Non qu'il eût moins de courage que Brotteau, qui demeurait impassible, mais le respect humain ne l'avait pas habitué à se composer un maintien. Brotteau, aux questions du citoyen de Lourmel, comprit d'où venait le coup et s'aperçut un peu tard qu'on a tort de se confier aux femmes. Invité à suivre le citoyen commissaire, il prit son Lucrèce et ses trois chemises. Le citoyen, dit-il, montrant le père Longuemare, est un aide que j'ai pris pour fabriquer mes pantins. Il est domicilié ici. Mais le religieux, n'ayant pu présenter un certificat de civisme, fut mis avec Brotteau en état d'arrestation. Quand le cortège passa devant la loge du concierge, la citoyenne Remacle, appuyée sur son balai, regarda son locataire de l'air de la vertu qui voit le crime aux mains de la loi. La petite Joséphine, dédaigneuse et belle, retint par son collier mouton qui voulait caresser l'ami qui lui avait donné du sucre. Une foule de curieux emplissait la place de Thionville. Brotteau, au pied de l'escalier, se rencontra avec une jeune paysanne qui se disposait à monter des degrés. Elle portait sous son bras un panier plein d'œufs et tenait à la main une galette enveloppée dans un linge. C'était Athénaïs, qui venait de Palaiso, présenter à son sauveur un témoignage de sa reconnaissance. Quand elle s'aperçut que des magistrats et quatre grenadiers emmenaient M. Maurice, elle demeura stupide, demanda si c'était vrai, s'approcha du commissaire et lui dit doucement « Vous ne l'emmenez pas, ce n'est pas possible, mais vous ne le connaissez pas, il est bon comme le bon Dieu. » Le citoyen de Lourmel la repoussa et fit signe aux grenadiers d'avancer. Alors Athénaïs vomit les plus sales injures, les invectives les plus obscènes sur les magistrats et les grenadiers qui croyaient sentir se vider sur leur tête toutes les cuvettes du palais royal et de la rue Fromenteau. Puis d'une voix qui remplit la place de Thionville tout entière et fit frémir la foule des curieux, elle cria « Vive le roi ! Vive le roi !» La citoyenne Gamelin aimait le vieux Brotteau et le tenait pour l'homme tout ensemble le plus aimable et le plus considérable qu'elle eût jamais approché. Elle ne lui avait pas dit adieu quand on l'avait arrêté, parce qu'elle eut craint de braver les autorités et que, dans son humble condition, elle regardait la lâcheté comme un devoir. Mais elle en avait reçu un coup dont elle ne se relevait pas. Elle ne pouvait manger et déplorait qu'elle eût perdu l'appétit au moment où elle avait enfin de quoi le satisfaire. Elle admirait encore son fils, mais elle n'osait plus penser aux épouvantables tâches qu'il accomplissait, et se félicitait de n'être qu'une femme ignorante pour n'avoir pas à le juger. La pauvre mère avait retrouvé un vieux chapelet au fond d'une malle. Elle ne savait pas bien s'en servir, mais elle en occupait ses doigts tremblants. Après avoir vécu jusqu'à la vieillesse sans pratiquer sa religion, elle devenait pieuse. Elle priait Dieu toute la journée au coin du feu pour le salut de son enfant et de ce bon monsieur Brotteau. Souvent, Élodie l'allait voir. Elle n'osait se regarder et, l'une près de l'autre, parlait au hasard de choses sans intérêt. Un jour de pluviose, quand la neige qui tombait à gros flocons obscurcissait le ciel et étouffait tous les bruits de la ville, la citoyenne Gamelin, qui était seule au logis, entendit frapper à la porte. Elle tressaillit. Depuis plusieurs mois, le moindre bruit la faisait frissonner. Elle ouvrit la porte. Un jeune homme de 18 ou 20 ans entra, son chapeau sur la tête. Il était vêtu d'un carrick vert bouteille, dont les trois collets lui couvraient la poitrine et la taille. Il portait des bottes à revers de façon anglaise. Ses cheveux châtains tombaient en boucles sur ses épaules. Il s'avança au milieu de l'atelier, comme pour recevoir tout ce que le vitrage employait de lumière à travers la neige, et demeura quelques instants immobile et silencieux. Enfin, tandis que la citoyenne Gamelin le regardait interdite, « Tu ne reconnais pas ta fille. » La vieille dame joignit les mains. « Julie, c'est toi. Est-il Dieu possible ?»« Mais oui, c'est moi. Embrasse-moi, maman. » La citoyenne veuve Gamelin serra sa fille dans ses bras et mit une larme sur le collet du carrick. Puis elle reprit, avec un accent d'inquiétude, « Toi, à Paris ?»« Ah, maman. » Que n'y suis-je venu seul ? Moi, on ne me reconnaîtra pas dans cet habit. En effet, le carrick dissimulait ses formes. Et elle ne paraissait pas différente de beaucoup de très jeunes hommes qui, comme elle, portaient les cheveux longs partagés en deux masses. Les traits de son visage, fins et charmants, mais hâlés, creusés par la fatigue, endurcis par les soucis, avaient une expression audacieuse et mâle. Elle était mince, avait les jambes longues et droites, ses gestes étaient aisés. Seule sa voix claire eût pu la trahir. Sa mère lui demanda si elle avait faim. Elle répondit qu'elle mangerait volontiers. et quand on lui eut servi du pain, du vin et du jambon, elle se mit à manger, un coude sur la table, belle et gloutonne comme Cérès dans la cabane de la vieille Bobo. Puis le verre encore sur ses lèvres, « Maman, sais-tu quand mon frère entrera ?» Je suis venu lui parler. La bonne mère regarda sa fille avec embarras et ne répondit rien. « Il faut que je le voie. Mon mari a été arrêté ce matin et conduit au Luxembourg. » Elle donnait ce nom de mari à Fortuné de Chassagne, ci-devant noble et officier dans le régiment de Bouillé. Il l'avait aimée quand elle était ouvrière de mode rue des Lombards, enlevée et emmenée en Angleterre, où il avait émigré après le 10 août. C'était son amant, mais elle ne trouvait plus décent de le nommer son époux devant sa mère, et elle se disait que la misère les avait bien mariés et que c'était un sacrement que le malheur. Ils avaient plus d'une fois passé la nuit tous deux sur un banc dans les parcs de Londres et ramassé les morceaux de pain sous les tables des tavernes à Piccadilly. Sa mère ne répondait point et la regardait d'un œil morne. « Tu ne m'entendras pas, maman. Le temps presse. Il faut que je voie Évariste tout de suite. Lui seul peut sauver Fortuné. » « Julie, répondit la mère, il vaut mieux que tu ne parles pas à ton frère. »« Comment ? Que dis-tu, ma mère ? » ?»« Je dis qu'il vaut mieux que tu ne parles pas à ton frère de Monsieur de Chassagne. » »« Maman, il faut bien pourtant, mon enfant. » »« Évariste ne pardonne pas à Monsieur de Chassagne de t'avoir enlevé. » Tu sais avec quelle colère il parlait de lui, quel nom il lui donnait. Oui, il l'appelait corrupteur, fit Julie, avec un petit rire sifflant en haussant les épaules. Mon enfant, il était mortellement offensé. Évariste a pris sur lui de ne plus parler de M. de Chassagne, et voilà 2 ans qu'il n'a soufflé mot de lui ni de toi, mais ses sentiments n'ont pas changé, tu le connais. Il ne vous pardonne pas. Mais maman, puisque Fortuné m'a épousé, à Londres. La pauvre mère leva les yeux et les bras. Il suffit que Fortuné soit un aristocrate, un émigré, pour qu'Évariste le traite comme un ennemi. Enfin, réponds, maman. Penses-tu que, si je lui demande de faire auprès de l'accusateur public et du comité de sûreté générale les démarches nécessaires pour sauver Fortuné, il n'y consentira pas ? Mais maman, ce serait un monstre s'il refusait. Mon enfant, ton frère est un honnête homme et un bon fils. Mais ne lui demande pas. Oh, ne lui demande pas de s'intéresser à M. de Chassagne. Écoute-moi, Julie. Il ne me confie point ses pensées et sans doute je ne serai pas capable de les comprendre, mais il est juge, il a des principes. Il agit d'après sa conscience. Ne lui demande rien, Julie. Ils le feront mourir, maman. Ma chère maman, ma petite maman, je ne veux pas qu'on me le tue, je l'aime, il a été si bon pour moi. Et nous avons été si malheureux ensemble. Durant quelques instants, elles gardèrent le silence. La pauvre mère cherchait dans son esprit le moyen d'aider sa fille. Et Julie épiait le regard de ses yeux noyés de pleurs. Peut-être, songeait la mère d'Évariste, peut-être, si je lui parle, se laissera-t-il fléchir ? Il est bon, il est tendre. Si la politique ne l'avait pas endurci, s'il n'avait pas subi l'influence des Jacobins, il n'aurait point eu de ces sévérités qui m'effraient, parce que je ne les comprends pas. Elle prit dans ses deux mains la tête de Julie. « Écoute, ma fille, je parlerai à Évariste. Je le préparerai à te voir, à t'entendre. Ta vue pourrait l'irriter et je craindrais le premier mouvement. Et puis, je le connais, cet habit le choquerait. Il est sévère sur tout ce qui touche aux mœurs, aux convenances. » Moi-même, j'ai été un peu surprise de voir ma Julie en garçon. Ah, maman, l'émigration et les affreux désordres du royaume ont rendu ces travestissements bien communs. On les prend pour exercer un métier et pour n'être point reconnu, pour faire concorder un passeport ou un certificat emprunté. J'ai vu à Londres le petit Giret habillé en fille, et qui avait l'air d'une très jolie fille, et tu conviendras, maman, que ce travestissement est plus cabreux que le mien, ma pauvre enfant. Tu n'as pas besoin de te justifier à mes yeux, ni de cela, ni d'autre chose. Je suis ta mère, tu seras toujours innocente pour moi. Je parlerai à Évariste, je dirai... Elle s'interrompit. Elle sentait ce qu'était son fils. Elle le sentait. Mais elle ne voulait pas le croire. Elle ne voulait pas le savoir. Il est bon, il fera pour moi, pour toi, ce que je lui demanderai. Et les deux femmes, infiniment lasses, se turent. Julie s'endormit la tête sur les genoux et l'avait reposée enfant. Cependant, son chapelet à la main, la mère douloureuse pleurait sur les mots qu'elle sentait venir silencieusement, dans le calme de ce jour de neige où tout se taisait, les pas, les roues, le ciel. Tout à coup, Avec une finesse d'ouïe que l'inquiétude avait aiguisée, elle entendit son fils qui montait l'escalier. « Évariste, dit-elle, cache-toi !» Et elle poussa sa fille dans sa chambre. « Comment allez-vous aujourd'hui, ma bonne mère ?» Évariste accrocha son chapeau au porte-manteau, changea son habit bleu contre une veste de travail et s'assit devant son chevalet. Depuis quelques jours, il esquissait au fusain une victoire déposant une couronne sur le front d'un soldat mort pour la patrie. Il eût traité ce sujet avec enthousiasme, mais le tribunal dévorait toutes ses journées, prenait toute son âme, et sa main déshabituée du dessin se faisait lourde et paresseuse. Il fredonna le « ça ira ». « Tu chantes, mon enfant, » dit la citoyenne Gamelin. « Tu as le cœur gai. »« Nous devons nous réjouir, ma mère. Il y a de bonnes nouvelles. La Vendée est écrasée, les Autrichiens défaits. L'armée du Rhin a forcé les lignes de Lauterne et de Wissembourg. Le jour est proche où la République triomphante montrera sa clémence. Pourquoi faut-il que l'audace des conspirateurs grandisse à mesure que la République croît en force et que les traîtres s'étudient à frapper dans l'ombre la patrie alors qu'elle fourvoie les ennemis qui l'attaquent à découvert ? La citoyenne Gamelin, en tricotant un bas, observait son fils par-dessus ses lunettes. « Berzélius, ton vieux modèle, est venu réclamer les 10 livres que tu lui devais. »« Je les lui ai remises. » »« La petite Joséphine a eu mal au ventre pour avoir mangé trop de confiture que le menuisier lui avait donnée. » Je lui ai fait de la tisane. Ah, de Mailly est venu te voir. Il a regretté de ne pas te trouver. Il voudrait graver un sujet de ta composition. Il te trouve un grand talent. Ce brave garçon a regardé tes esquisses et les a admirées. Quand la paix sera rétablie et la conspiration étouffée, dit le peintre, je reprendrai mon Oreste. Je n'ai pas l'habitude de me flatter, mais il y a là une tête digne de David. Il traça d'une ligne majestueuse le bras de sa victoire. « Elle tend les palmes, dit-il. Mais il serait plus beau que ses bras eux-mêmes fussent des palmes. Évariste. Maman, j'ai reçu des nouvelles. Devine de qui ? Je ne sais pas. De Julie, de ta sœur. Elle n'est pas heureuse. Ce serait un scandale qu'elle le fût. Ne parle pas ainsi, mon enfant, elle est ta sœur. Julie n'est pas mauvaise. Elle a de bons sentiments que le malheur a nourri. Elle t'aime. » Je puis t'assurer, Évariste, qu'elle aspire à une vie laborieuse, exemplaire, et ne songe qu'à se rapprocher des siens. Rien n'empêche que tu la revoies. Elle a épousé Fortuné Chassagne. Elle vous a écrit ? Non. Comment avez-vous de ses nouvelles, ma mère ? Ce n'est pas par une lettre, mon enfant. C'est... Il se leva et l'interrompit d'une voix terrible. Taisez-vous, ma mère. Ne me dites pas qu'ils sont tous deux rentrés en France. Puisqu'ils doivent périr, que du moins ce ne soit pas par moi. Pour eux, pour vous, pour moi, faites que j'ignore qu'ils sont à Paris. Ne me forcez pas à le savoir, sans quoi... Que veux-tu dire, mon enfant ? Tu voudrais, tu oserais, ma mère, écoutez-moi. Si je savais que ma sœur Julie est dans cette chambre... Et il montra du doigt la porte close... J'irai tout de suite la dénoncer au comité de vigilance de la section. La pauvre mère, blanche comme sa coiffe, laissa tomber son tricot de ses mains tremblantes et soupira d'une voix plus faible que le plus faible murmure. Je ne voulais pas le croire, mais je le vois bien. C'est un monstre. Aussi pâle qu'elle, l'écume aux lèvres, Évariste s'enfuit. Et courut chercher auprès d'Élodie l'oubli, le sommeil, l'avant-goût délicieux du néant. Vous venez d'entendre une production du Club d'essai, Lecture du soir. Cette production bimensuelle est consacrée, nous vous le rappelons, à la lecture d'un roman réparti en 3 émissions d'une heure, 3 jours consécutifs. Nous vous présentons cette semaine un roman d'Anatole France, Les dieux ont soif, dont Michel Bouquet assure la lecture. Aujourd'hui, deuxième partie. Demain, à la même heure, sur cette même longueur d'onde, troisième et dernière partie.